Ouais, normalement, ça va faire 1200 moods. Alors, on dit que généralement, un mood, ça fait aussi 2,75 litres. Attention, il y a un litre, c'est pas un kilo, hein. C'est un volume, hein. Voilà, donc ceux qui veulent le calculer. Alors certains, à notre époque, le traduisent par en kilos. Seulement le problème, c'est qu'on sait moins juste de dire en kilos que de le faire exactement comme c'est demandé. Donc non pas par le pas en pesant, mais en prenant un volume. D'accord? Et donc le plus sûr, ça serait de faire ce qui vaut, comme je vous l'ai dit, que le sort, il fait un volume de 2 litres 75, d'accord? Le sort, pas le moud, hein. Le sort, donc le sort qui fait 4 moud. 4 amdad, ça fait 2 litres, en normalement environ 75. Sinon, la personne, il veut voir s'il doit appeler la zakat, il faut qu'il sorte, comme je l'ai dit, 1200, si je ne me trompe pas, c'est 1200 moud. Voilà, on a fini maintenant pour la culture. Maintenant, Abu Shuja, rahimallah, donne le quatrième chose dans laquelle on sort la zakat, c'est, comme il a dit, wa amma thimar, quant aux fruits. Donc on va voir de quel fruit on sort la zakat. Fatajibu zakatu fi shay'in minha. Donc la zakat obligatoire dans deux choses parmi elles. Parmi les fruits, il n'y a que deux choses. Thamarat nakhl, le fruit du palmier, c'est-à-dire du dattier, c'est-à-dire la date. D'accord? Et at-tamr, la date. Wa thamatul karm, et le fruit de la vigne, c'est-à-dire le raisin. Mais là, on veut dire az-zabib, c'est-à-dire le raisin une fois qu'il est sec. Parce que, comme vous avez pu le comprendre, il faut quand même qu'on puisse le stocker. Donc là aussi, c'est pareil, comme on va voir. Et les 5 et 4 choses qui sont obligatoires dedans pour la zakat, ce sont 4 choses. La première chose, à l'islam, d'accord? Parce que c'est une adoration, la zakat, pour la sortir, il faut l'islam. Deuxième chose, al-hurriya, être libre, c'est-à-dire que la personne qui possède ça, il faut pas que ce soit un esclave, mais il faut que ce soit une personne qui soit libre, pas esclave. Troisième chose, al-milku tam, la possession qui soit complète. Quatrième chose, an-nisab, d'accord, la part, comme on a vu juste avant, pour ce qui est de la part. C'est-à-dire 5 aoussouk. Maintenant, on va voir la cinquième chose dans laquelle il faut sortir la zakat. L'imam Bouchoujar a dit « Amma urudu tijara » Quant au ce qu'on met à la vente. C'est-à-dire, donc je répète pour ça, quelqu'un par exemple qui a une voiture, qui s'en sert pour le travail ou autre, pour la famille ou n'importe quoi, ou juste pour voiture de collection, ce que vous voulez, il n'a pas de zakat à sortir dedans, même s'il en a 10, d'accord? Par contre, quelqu'un qui a une ou plusieurs voitures et sa niya, son intention, c'est de les vendre, là, dans la vie de la majorité, qui est aussi la vie des quatre écoles, eh bien, il doit sortir la zakat. C'est pas seulement que la voiture, c'est toute chose dont on a l'intention de vendre, que ce soit de l'immobilier, d'accord, comme par exemple un appartement, une maison ou une terre, ou du mobilier, par quelqu'un qui a un magasin de meubles, ou même si ce n'est pas un magasin qui a des meubles et qui veut les vendre, ou toute chose que l'on veut vendre, d'accord, et que l'on a, que l'on possède. Eh bien, il faut sortir la zakat comme pour le comment dirais-je, par rapport à l'or et l'argent. Ensuite, Kol Abu Shuja rahimahullah, dedans, par rapport à son appel oro de Tijara, donc ce qui est voué à être vendu, donc la zakat obligatoire dans ces choses-là, avec les conditions qui ont été cités dans Al-Athman, dans les choses de valeur, c'est-à-dire dans l'or et l'argent. C'est-à-dire, donc comment va faire la personne, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a un magasin et qui vend, je sais pas, par exemple une épicerie ou autre, Et comment il fait? Donc, il faut, comme pour les conditions pour l'or et l'argent qu'on a cité, il faut d'abord, bien sûr, qu'il soit musulman, qu'il soit pas esclave, qu'il soit libre, qu'il possède véritablement ces choses-là, et qu'il y ait le nisab, d'accord, et qu'il y ait la part. Et la part, on va y venir, c'est combien la part d'or et d'argent, à partir de combien. Et qu'il y ait al-haoul, et al-haoul al-qamari, et qu'une année lunaire soit passée sur ces choses-là. À ce moment-là, il doit sortir la zakat. Et Inch'Allah, on va étudier bien, voilà. Maintenant, on a fini et on va étudier bi'iznillah tout ce qui est de les parts de la zakat du chameau, de la vache, des moutons et chèvres, et aussi, bien sûr, celle qu'on n'a pas vue, la part de l'or et de l'argent qui va servir aussi pour ce qu'on appelle rouleau de tijara. Et à notre époque, tout ce que ça soit de l'euro, du dollar ou du dinar ou autre, tout ce qui est l'argent en papier, quoi, qui est malheureusement normalement n'est pas de l'argent, mais tout ce qu'on possède comme ça, on le met sous comme si c'était de l'or ou de l'argent. Inch'Allah, je vais y revenir. Je vais le dire maintenant, Inch'Allah, c'est-à-dire que on regarde combien on possède d'argent, par exemple, là on est en France, on va dire en euros, et on va voir. C'est simple, on prend la part minimum d'or ou d'argent et on regarde là où on habite combien coûte l'or et combien coûte le gramme d'argent, combien coûte le gramme d'or. On regarde le minimum qu'il faut avoir pour payer la zakat quand c'est de l'or et de l'argent. On va voir, je vais vous donner un exemple. Si la part minimum pour l'argent c'est, on va dire, c'est 200 euros et pour l'or c'est 500 euros, on va prendre la part la plus faible, donc on va prendre l'argent, d'accord. Donc, si à partir de 200, c'est juste un exemple, c'est pas ça qu'on va voir, Inch'Allah, comment c'est. Si, par exemple, si c'est à partir de 200 euros qu'on doit donner la zakat, donc, on a vu, si j'ai une personne qui a 200 euros au minimum pendant une année lunaire, il va falloir qu'il sorte sa zakat de son argent. Et, comme je l'ai dit, pour ce qui est de relou tijala, pour ce qui est voué à la vente, la personne fait une estimation de ce qu'il a, et qu'il a l'intention de vendre ces choses-là, que ce soit, comme je vous l'ai dit, voiture ou des choses qui sont dans un magasin ou n'importe quoi, ou un immeuble ou autre, hein, ou du parfum ou je ne sais quoi. Il va estimer combien ces choses-là coûtent, et après une année lunaire passée, il regarde ce qu'il y a, il fait une estimation et il sort la zakat de ceci. Voilà, donc maintenant, Inch'Allah, on va rentrer dans des choses assez techniques, plus techniques, c'est-à-dire à partir de combien, et c'est surtout pour les animaux, c'est un peu compliqué pour savoir à partir de quand, et tous les combien, vous allez voir, il faut sortir la zakat. Par exemple, les chameaux, c'est à partir de 5 chameaux, et après, c'est 10, à partir de 10 chameaux, ça change, à partir de 15 chameaux, ça change, et de 20 chameaux, ça change, etc. Et il y a une technique à bien comprendre. Pour ceci, là il est 21h26, Inch'Allah je vais arrêter parce que ça va prendre du temps, et là je vais ne serait-ce parce que j'aimerais bien faire d'un seul coup au minimum la part de la zakat du chameau, et là ça va prendre du temps, et si je le fais, j'ai pas envie de couper au milieu, donc on fera ça demain, Inch'Allah, d'accord. Donc maintenant je vais donner les textes, vous allez pouvoir écrire, et si vous avez des questions sur le cours, Barakofik, donc là je répète, hein, si vous avez des questions, pas autre chose, Barakofik, sur le cours qu'on fait en ce moment, donc sur la zakat et de ce qu'on vient de voir là, seulement de la zakat, posez des questions. Une fois que les questions sont finies, Inch'Allah, on passera au cours du Tawahid. Donc maintenant vous pouvez écrire, hein. Allez-y. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions pour la zakat. Abou Haroun, bon, Alexandre, toi, Barakatou, peux-tu répéter les conditions pour la zakat pour les fruits? Oui. La zakat pour les fruits. Alors, donc on va lire, on va relire, Inch'Allah, ce qu'a dit Abou Shouja. Donc, il a dit, Rahimallah, donc, quant aux fruits, fatay ou zakat fi shay'en. Donc, la zakat obligatoire que dans deux choses, c'est donc, comme il a dit, thamaratun nakhl, c'est-à-dire la date, ou thamaratun karm, c'est-à-dire le fruit de la vigne, c'est-à-dire le raisin. Et quand on dit ici le raisin, on veut dire al-zabib. Al-zabib, c'est pas al-inab. Al-inab, c'est le raisin quand il est encore frais, ou al-zabib, c'est le raisin quand il est sec. Donc, voilà. Ensuite, il a dit washara'at wujub az-zakat fiha arba'atu ashiya. Donc, les conditions d'obligation de la zakat en elle, donc pour ces deux fruits, c'est quatre choses. Al-islam. Premièrement, al-islam. Il faut être musulman. C'est-à-dire que le kafir, le mécréant, il n'a pas de zakat à donner. On ne va pas le voir pour qu'il donne la zakat. Deuxième chose, deuxième condition, wal-hurriya, la liberté. Donc, c'est pour que la personne soit libre. C'est pas un esclave. Un esclave, il n'a pas de zakat à donner. Pourquoi? Bah, déjà d'une, ce que lui ne s'appartient pas, c'est-à-dire que son corps ne s'appartient pas et son temps, mais il appartient à son possesseur, être humain. Là, on ne rentre pas dans le fait que tout être humain est un esclave d'Allah Azzawajal, d'accord? Là, on parle de choses comme, par exemple, un animal, comme on va étudier, hein, un cheval, ne s'appartient pas, mais il appartient à celui qui le possède, comme être humain. Mais bien sûr, et avant toute chose, le cheval est un être qui appartient, avant d'appartenir au maître humain, là, il appartient avant tout à Allah Azzawajal, d'accord? Et pour l'esclave, c'est pareil. Sauf que bien sûr, c'est un être humain et il a des devoirs et des obligations comme les êtres humains. Et si c'est un musulman aussi, il faut qu'il fasse ses prières, etc. On va Inch'Allah, dans le fil, là, on va étudier et progressivement les lois de l'esclave, quels sont ses droits et ses obligations, qui peuvent changer par rapport à la personne libre. Troisième condition, al-milk tam, donc il faut qu'il y ait une possession complète. On avait déjà vu c'était quoi la possession complète. Et ça, c'est comme on avait vu aussi, c'était l'avis al-qadim, l'ancien avis de l'imam Shafi'i, parce que dans le nouvel avis, même si la possession n'est pas complète, eh bien, il faut qu'il sorte la zakat. C'est-à-dire que complète, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait acheté par la chose et la possède, c'est-à-dire qu'il ait pris possession par sa main ou autre de la chose, par exemple. Quatrième condition, an-nisab. Nisab, donc c'est la part. C'est-à-dire que le minimum à partir de quand on doit payer la zakat, comme je l'ai dit, c'est 5 aoussouq, d'accord, 5 wasq. Et je vous ai donné les calculs, comment on calcule exactement le wasq. Non pas en kilos, mais comme ça doit être fait normalement, c'est-à-dire qu'un wasq, ça fait 60 sa'ar, et un sa'ar, ça fait 4 moud, d'accord, 4 amdad. Et un moud, c'est quoi? C'est quand on réunit les deux mains et qu'on prend, par exemple, du blé et que deux mains sont réunies. Ça, c'est un mad. Pour faire un sar, il faut 4 fois ça. Et pour faire un wask, il faut 60 sar. Et pour faire le minimum du nisab de la part, il faut 5 aoussouk. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou pas? S'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah, on va passer directement au cours du tawahid. Et demain pour le zakat, on commencera directement. Là, il faudra bien comprendre, il faudra bien suivre, surtout quand on va parler des parts, du nisab par rapport aux animaux. C'est spécifique, c'est technique. Il faut bien suivre. Et il ne faut pas se lasser. Hein. Ceux qui n'aiment pas les maths, ils vont avoir un petit peu de problème, mais c'est comme ça. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Alhamdulillah, Inch'Allah, le fait qu'il n'y ait pas de questions, c'est que le cours a été bien expliqué, Inch'Allah, et que vous aimez étudier.